les grottes, il y a des sauterets. Il est impossible de les voir. Dans la forêt, il y a des sauterets. Dans la Moselle, il y a des sauterets. Aïe aïe aïe. Il y a des sauterets. À Chaudenay, il y a des sauterets. À Villers-sec, il y a des sauterets. Et c'est la nuit des sauterets. Aïe aïe aïe.